endroit pour elle et moi, et pour les joints entre copains. C'est le terrain des galériens, des bagarreurs et des dragueurs. Juste un endroit pour toi, vivre un toit, de tout un flanc pour passer le temps. C'est pas une ville, pas un village, terrain à goût, vagueux campagne, et nos parents des télépages du sud-ouest à la Bretagne. On se retrouve comme dans une cage, parfois ça finit en castagne. C'est un vendredi soir de plus, un début de week-end banal. On a des prix triviaux, j'ai usé petit lus et même un journal. À 22h sous la brise, juste un endroit pour elle et moi, et pour les joints entre copains. C'est le terrain des galériens, des bagarreurs et des dragueurs. Juste un endroit pour toi, pour toi, de tout un plan pour passer le temps. Y'a même parfois des love stories avec des filles aux cheveux mouillés. En certaines soirées, y'a pluie, on a bien envie d'un baiser. On se rapproche, on se blottit. Une fois j'ai embrassé Zoé. Allez grands frères, tous des minus, ils ont le permis et même tir. Nous questionnons sur les cactus, pour eux, la question nous sortir. Pour eux les boîtes, pour nous, l'abribus. Juste un endroit pour elle et moi, et pour les joints entre copains. C'est le terrain des galériens, des bagarreurs et des dragueurs. Juste un endroit pour croire notre toi, depuis un plan pour passer le temps. Des galériens, des bagarreurs et des dragueurs. Juste un endroit.